votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, nous sommes le 16 mai 2020, il est midi. Que vous écoutiez Radio Campus sur 106,6 MHz, sur campuslille.com ou sur DAB+, qu'importe, puisque vous écoutez Angle d'attaque, une émission proposée par les attaques de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Cette émission est enregistrée le 13 mai, avec un début le 9 mai d'ailleurs, c'est-à-dire en fin de confinement, émission qui a réquisitionné la présence à domicile de Florent, qui continue d'assurer la technique en studio comme chez lui, assisté par la précieuse aide de Quentin. René partera des actus d'attaque, Ludovic et Christian parleront du reste. Vous êtes prêts à nous écouter. Donc, nous sommes tous les cinq aujourd'hui pour traiter le sujet du jour et justement de quoi parlons-nous aujourd'hui. En gros, de ce qui a été prévu à la fin de la semaine, du mois dernier, la dernière émission, qu'on n'avait d'ailleurs pas tout à fait terminée, vous vous en souvenez sûrement. À savoir, la suite du corona, sous son double aspect sanitaire, politique et économique, on parlera aussi de l'hôpital et vivre avec le virus, la crise de l'endettement et d'autres voies de sortie possibles. Et on n'avait pas prévu, mais c'est bien tombé, qu'on ait eu un peu de temps pour les lire. Ludovic propose une série de 5 articles du Monde, sortis entre le 5 et le 9 mai, 5 articles d'investigation qui remontent aux racines de la crise sanitaire, et c'est pas triste, c'est à pleurer. Fabrice Lhomme et Gérard Davet sont les auteurs de cette série qui mérite Netflix. Et chez nous, c'est Ludovic qui en parle le mieux. À toi, Ludovic. Oui, une série d'articles qui, du reste, n'a pas vraiment été très médiatisée, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Enfin, voilà, les deux auteurs n'ont pas été interviewés sur France Culture ni sur France Inter. Enfin, bref, donc du coup, on va rendre hommage à leur travail sur Radio Campus. Donc, une enquête qui renoue donc avec le grand journalisme d'investigation qui a été Le Monde, et qui revient donc sur la crise sanitaire qu'on connaît, et notamment sur la fameuse histoire des masques, et qui montre qu'au début des années 2000, la France était sans doute un des pays les mieux armés pour faire face à une pandémie, et en 2020, donc, la France est devenue l'un des pires pays européens, étant aussi mal préparé. Donc l'enquête commence en 2004 avec la première vraie prise de conscience que la France n'est pas à l'abri d'un drame sanitaire majeur. À l'époque, c'est Philippe Douste-Blazy qui est ministre de la Santé. Sa nomination coïncide avec l'apparition en Asie du Sud-Est d'une épidémie de grippe aviaire de type H5N1. Voilà ce que dit Douste-Blazy à l'époque. En gros, je dis que c'est absolument terrible que personne ne se rende compte qu'on peut avoir un jour une crise sanitaire effrayante et qu'on était totalement irresponsable de ne pas y réfléchir parce que ça pouvait nous tomber dessus d'un coup. Le plan de lutte de Douste-Blazy prévoit fermeture ou contrôle des frontières, restriction des déplacements, suspension des rassemblements de population, limitation de toutes les manifestations et rencontres sportives, foires, salons et célébrations culturelles, imposition des fameux gestes barrières, port de masque FFP2 pour les soignants, chirurgicaux pour le reste de la population. Bref, tout ce que le gouvernement d'Édouard Philippe mettra en œuvre donc 15 ans plus tard, à la mi-mars 2020. Donc la France commence à s'équiper en cette fin d'année 2004. L'épidémie donc, de chikungunya, une maladie tropicale infectieuse, ne font que conforter Douste-Blazy dans ses craintes. Et c'est dans ce contexte que apparaît en avril 2005 un rapport qui va avoir une certaine importance, qui a été commandité par le Premier ministre de l'époque, qui s'appelait Dominique de Villepin, et qui a été fait par l'IGA, donc l'Institut de... un institut de réflexion... pour le gouvernement, et ce rapport donc pointe le fait qu'une pandémie effectivement pourrait avoir des conséquences terribles. Visionnaire, ce rapport dont parlent les deux auteurs pointe l'insuffisance vraisemblable à court terme des équipements de protection. Il recommande aux services étatiques de constituer sans tarder des stocks de masques dont la mise en place pourrait être organisée et centralisée par les zones de défense. Il préconise également le préfinancement et l'installation de machines de production de masques FFP2 dans les industries textiles françaises Les FFP2, destinés prioritairement aux soignants, permettent de se protéger des autres, au contraire des masques donc chirurgicaux, qui, grâce à qui, eux, sont plutôt destinés à la population. Donc, promis en 2005 aux affaires étrangères, donc Douste Blazy quitte le ministre de la Santé, et c'est un certain Xavier Bertrand qui va le remplacer. Et donc, Xavier Bertrand, donc, en 2005, va prendre les choses au sérieux et va nommer un directeur général de la santé, lequel, donc, qui s'appelle Didier Houssin, dira, donc, interviewé donc, par les deux journalistes du Monde, dira qu'à l'époque, il y avait une forte réaction. On s'est dit, il faut se préparer, on n'avait pas de vaccin, on n'avait pas d'antiviraux, on n'avait rien. Donc ce dernier plaide auprès du ministre avec succès pour la constitution de stocks d'antiviraux et l'acquisition de masques. Je lui ai dit, les gens vont pouvoir se mettre quelque chose sur la figure, 50 millions, 100 millions, 200 millions. Au fil des mois, le stock de masques ne cesse d'enfler. Donc suite à une tribune très alarmante dans le JDD de deux pneumologues qui à l'époque donc pointent le manque de médicaments et un nombre insuffisant de masques, Bertrand décide de mettre en place fin 2005 une capacité nationale de production. Pour ne pas être trop dépendant des pays asiatiques, Bertrand donc, dira aux journalistes donc, qui vont l'interviewer, on s'est rendu compte qu'on n'avait pratiquement pas de production de masques en France et que si on voulait constituer des stocks stratégiques, il fallait lancer des marchés pour susciter la naissance d'une industrie. Résultat, près de 150 millions de masques peuvent être produits annuellement et un chiffre qui double en 2007. Donc on a un fabricant notamment qui s'appelle la société Bakou Dalo, située à Plaintel, dans les Côtes d'Armor, qui voit son carnet de commandes se remplir spectaculairement. Son président, donc Roland Fanja, signe avec un protocole d'accord avec le ministère le 26 décembre 2005. Le texte rappelle que l'approvisionnement en quantité massive de masques FFP2 doit être assuré, cela exclut de dépendre exclusivement d'importations. L'article 11 du protocole, d'ailleurs, si l'on est tout sauf anecdotique, il stipule que l'État assurera le renouvellement de son stock de masques arrivés à préemption. Donc à la fin de l'année 2006, avec un stock de 600 millions de masques FFP2, soit la moitié de la production mondiale annuelle, la France est un des pays les mieux préparés du monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça, c'était en 2006. Au mois de mars 2007, donc au crépuscule donc, du chiracisme, Xavier Bertrand fait adopter la loi relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur. Celle-ci prévoit notamment l'instauration d'un corps de réservistes, des professionnels de santé mobilisables à tout moment et surtout la création d'une nouvelle structure publique appelée à jouer un rôle majeur, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, les PRUS. Dotés d'énormes moyens, les PRUS constituent des stocks considérables d'antibiotiques, de vaccins et 1 milliard de masques chirurgicaux et 285 millions de FFP2. La France a érigé un véritable mur, nous dit les journalistes du Monde, face aux risques pandémiques. Pourtant, comme vont le montrer donc, ces deux journalistes, les premières failles vont bientôt apparaître dans ce mur, et ce notamment après l'affaire de la grippe H1N1 donc, qui a été gérée par Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot qui, à l'époque, a été mise en accusation de gabegie dans l'achat de vaccins massifs qui n'ont pas été utilisés du fait que la pandémie finalement n'a pas été jusqu'en France. Donc en 2011, donc suite à cette affaire Bachelot, la Cour des comptes critique la gestion du dossier et parle d'une campagne coûteuse au regard des résultats obtenus. Donc cette affaire Bachelot va modifier donc finalement la doctrine qui prévalait sous Chirac, parce que Bachelot donc est sous Sarkozy, et c'est le donc la doctrine de précaution qui prévalait avant va peu à peu être critiquée et va s'engager ce que les auteurs appellent un désarmement sanitaire, donc un changement de doctrine, et qui va commencer par l'instruction ministérielle du 2 novembre 2011. Donc c'est une instruction qui introduit une distinction entre deux types de stocks de produits de santé, les produits stratégiques et les produits tactiques. Les produits stratégiques doivent être achetés et gérés au niveau national par les Prusses, donc par l'État. Ils comprennent des médicaments, des dispositifs médicaux et des équipements donc, de protection individuelle, masques, combinaisons, blouses, etc. Ce sont des produits qui engagent directement la responsabilité de l'État et en cas de crise sanitaire grave. Donc. Et donc, de ces stocks stratégiques, on les distingue des stocks dits tactiques, qui eux sont donc moins importants que les stocks stratégiques. et qui, eux, sont des équipements situés dans les établissements de santé où se trouvent des SAMI ou des SMUR. La philosophie est que ces stocks permettent d'activer une réaction précoce et au plus près du terrain, dans l'attente de la mobilisation si besoin des stocks stratégiques. Dans cette instruction, il est précisé que l'acquisition des stocks tactiques est prise en charge par les établissements de santé et financée par des crédits relevant de leur mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation. Face aux critiques donc, du surstockage national lors de la grippe H1N1, donc gérée par Bachelot, et donc de l'envoi aux établissements de santé de stocks qui leur sont ensuite restés sur les bras, une première réorganisation commence, permettant à l'État de partager sa responsabilité dans l'acquisition préventive de stocks sanitaires. Dès lors, le procédé est irréversible, car même si la liste des produits dits tactiques reste de sa responsabilité et que le budget alloué est issu du dialogue de gestion entre les hôpitaux et le ministère, le gouvernement introduit une scission propice à de futurs arbitrages pouvant devenir défavorables au maintien d'un effort élevé de stockage de tous les produits utiles en cas d'épidémie, à commencer par les masques. Ainsi, une décision qui peut se justifier par une rhétorique d'optimisation des moyens au niveau géographique, le plus pertinent va devenir un premier pas vers l'abandon d'objectifs donc initiaux en créant les premiers maillons d'une chaîne de déresponsabilisation qui va aboutir à la pénurie des masques que l'on connaît actuellement. Ainsi, en l'espace de 2 ans, entre 2009 et 2011, on est passé de 2,2 milliards de masques à 1,4 milliard en 2011 et 714 millions en 2007, uniquement de modèles chirurgicaux. Donc ainsi, entre 2012 et 2017, la France s'est totalement appauvrie sur le plan de la réponse sanitaire d'urgence, en ratiboisant notamment l'autonomie de l'EPRU, sans pour autant réarmer suffisamment le stock stratégique, en laissant le soin aux employeurs publics comme privés de s'approvisionner en masques, en s'abstenant ainsi de les surveiller et a fortiori de les sanctionner en cas de carence. Donc 714 millions de masques en 2017. Or, en mars 2020, comme vous le savez, il n'en reste plus que 117 millions. En moins de 3 ans, les stocks ont été divisés par 6. Et donc, les journalistes du Monde vont s'intéresser au pourquoi, et quand et pourquoi donc 600 millions de masques ont disparu. Ils mettent en avant le fait que entre 2017 et donc entre 2020, donc sous Macron, on a lancé un programme de contrôle de la qualité et de l'efficacité des 616 millions de masques acquis en 2005-2006, et il s'est avéré que ces masques étaient jugés obsolètes. Et donc, conséquence, on les a mis au pilon. Donc, la quasi-totalité des 616 millions de masques chirurgicaux datant de 2005-2006 ont donc ainsi été détruits. Et c'est pour ça que Véran, fin mars, évoque un stock de 117 malheureux millions, parce que précisément, effectivement, il est obligé de constater qu'il n'y a plus de masques. Or, et c'est là un peu l'aspect, effectivement, pour le moins lamentable, c'est que les journalistes du Monde ont interviewé un haut fonctionnaire donc, chargé du déconfinement, qui, pour lui, en tout cas, laisse entendre que ces 616 millions de masques qui ont été détruits ont manifestement n'étaient pas du tout obsolètes, et qu'on a même vérifié donc, la qualité de filtration de ces masques, et qu'apparemment, ces masques sont tout à fait fonctionnels. Et donc, il dit à ses journalistes, voilà ce qu'il dit, ça remet en question l'idée que le stock des 616 millions était aussi dégradé, que ça a pu être suggéré. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire de manière formelle que ce stock était inutilisable en 2018. Donc, on a délibérément détruit un stock massif de masques, alors même que ces masques étaient tout à fait utilisables. Et en 2018, faute de commandes, puisque l'État ayant détruit ses masques et n'ayant pas estimé que ces masques étaient importants, faute de commandes, la dernière usine française de production de masques a fermé ses portes et son patron, Roland Fanja, je l'avais déjà cité, dénonce, je cite, un gâchis sanitaire et industriel. Ça a été une catastrophe pour Plaintel. L'entreprise a agonisé alors qu'on comptait encore 200 employés en 2017. Preuve de son impéritie. L'État presse désormais Fanja de remettre ses ateliers en route. C'est quand même plutôt cocasse. Après l'avoir fermé, maintenant ils disent qu'il faut les rouvrir. Et donc je cite toujours ce PDG donc, de cette entreprise qui dit à l'époque c'était 35 centimes le masque. Et là en Chine, ça coûte combien? Parce qu'effectivement, comme on ne produit plus de masques en France, on a dû faire appel à la Chine. Et bien sûr, les prix ne sont pas tous les mêmes. Bref, pour le dire autrement, et j'en terminerai là. Donc, cette enquête que j'ai résumée à très gros traits, L'exécutif actuel a triplement fauté en détruisant donc des masques qui étaient encore bons à l'emploi, et en omettant donc de les renouveler, et en ne permettant pas en tout cas d'augmenter les stocks, sinon de manière en tout cas pas suffisamment efficace, car comme vous le savez, les stocks manquent dans moult domaines, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas de masque. Donc voilà un peu la genèse de cette affaire. Donc c'est bien un changement de doctrine qui a été initié donc sous Sarkozy, qui a fait que on a peu à peu détruit des masques et on en paye les conséquences maintenant. Voilà pour cette enquête. Oui, en effet, je pense que René a une question à poser aussi. Oui, justement, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un choix dans les années entre 2012 et 2015 de faire appel plutôt à la Chine par les politiques de contrat constant plutôt que de produire localement? Oui, c'est ça, pour des raisons de, j'imagine, enfin, oui, c'est parce qu'effectivement, je pense qu'on n'estimait pas à l'époque, et ça avait commencé. Donc, voilà, il y a eu vraiment un changement de doctrine. De doctrine, c'est ça, qui a commencé effectivement avec sous Sarkozy, et puis qui a perduré avec sous Hollande, avec Marisol Touraine, ouais. Qui a aussi, alors qui maintenant s'en défend, mais elle a bien entériné cette doctrine, et donc on a estimé que finalement les masques n'étaient pas. Enfin, on dit aussi qu'elle avait, enfin, elle connaît, on lui avait pas bien expliqué les tenants et les aboutissants, donc elle a accepté ce changement de doctrine sans vraiment savoir, quoi. Enfin, c'est ce qu'on dit. De toute évidence, c'est une forme d'incompétence. Alors évidemment, je pense qu'il n'y a pas que Marisol Touraine, c'est tout un, ouais, c'est tout un, oui, voilà, une chaîne de commandement, notamment là. Tout un tas de strates administratives qui ont fait que on a détruit donc 616 millions de masques, c'est ce que je disais, alors que ces masques étaient tout à fait utilisables. Et de toute façon, on vaut mieux des masques même être un peu dégradés que rien du tout. Donc cette mise au pilon de millions de masques est quelque chose qui, de toute façon, devra, enfin, j'espère, fera l'objet d'une enquête, et que j'espère qu'il y aura des têtes qui tomberont, parce que je vous rappelle que suite à cette affaire, depuis quelques mois, les tribunaux enregistrent moult plaintes. Beaucoup de plaintes ont été enregistrées donc au parquet de Paris. On compte 32 plaintes début mai, et qui ciblent donc la gestion déficiente de cette affaire. Pour l'instant, aucune enquête n'a été ordonnée, mais on peut penser que dans les mois et dans les prochaines années, il va y avoir des suites à ces plaintes, et j'espère qu'il y aura des conséquences juridiques. Donc, d'où le fait que les politiques sont en train de se protéger. Oui, justement. Est-ce qu'ils ne sont pas en train aussi de préparer leur immunité judiciaire? J'ai entendu aussi pour éviter d'être poursuivi par la suite. C'est ce que le Sénat a essayé de faire, effectivement. Mais bon, le gouvernement a mis un frein, mais bon, de toute évidence, oui, je pense qu'il va y avoir des mesures qui vont être prises pour pour se protéger, et éviter. Et éviter des poursuites juridiques, mais des poursuites judiciaires, pardon. Et, bon, j'espère qu'en tout cas, on ne peut pas manifester, mais je pense que c'est un des objets du scandale, enfin, c'est l'affaire de masques. Et le fait que les politiques se protègent. Certains maires ont peut-être raison de se protéger, mais on ne peut pas être à la fois responsable et ne jamais être coupable. C'est ça, en fait. Ils veulent être responsables, mais. Ils se disent responsables, mais en aucune manière ils peuvent être coupables. Manifestement, si, il y a bien des coupables, il y a bien des gens qui ont pris la décision de mettre au pilon 616 millions de masques. Donc, à un moment donné, il faudra bien que les personnes qui ont décidé ça rendre des comptes. Tu ne seras jamais qu'un sale gauchiste. Je le prends comme un compliment. Il demande des têtes, cet homme. Oui, donc effectivement, on ne comprend pas bien pourquoi, comme tu le disais, cette série d'articles n'a pas eu l'aura qu'on aurait aimé qu'il y ait. Alors, on va passer complètement à un autre sujet, puisque on avait prévu la fois dernière d'entamer un autre débat sur qu'est-ce qui se passe après la crise. Et ben, d'abord, y a-t-il crise? On pourrait déjà poser la question. Mais de toute façon, pour qui a lu l'essai de Naomi Klein, dont le titre c'est « La stratégie du choc », avec en sous-titre « La montée d'un capitalisme du désastre », rien que ça, hein, il est impossible de ne pas y faire référence en ce moment de crise, on va dire qu'il y a une crise du coronavirus, qu'on soit déconfiné ou pas. La question qu'on nous posons, c'est que sommes-nous dans une situation de la stratégie du choc décrite par notre Canadienne? Eh bien, dans son essai, Naomi Klein décrit une tactique brutale et récurrente des gouvernements de droite après une crise, quelle soit financière, pardon, que ce soit une catastrophe naturelle ou une guerre civile ou pas. La pratique de ces gouvernements est d'exploiter le désarroi des populations. C'est l'occasion de prendre des mesures radicales qui peuvent être antidémocratiques, ce sera souvent le cas, et de toute façon favorables à ceux à qui les dix gouvernements de droite servent la soupe régulièrement. On a de bons exemples dans le livre de Naomi Klein, notamment la Louisiane, après le passage de l'ouragan Katrina. C'est une destruction, une grande partie de la ville de Nouvelle-Orléans, et notamment des quartiers pauvres, les plus exposés d'ailleurs, et les plus fragiles évidemment. Et aussi des écoles publiques, et c'est là où je voulais en venir, sur les méthodes de Reagan à l'époque. Devant un tel désastre, il ne faut pas s'affoler, selon Reagan, on va construire des hôtels et on va créer des écoles à charte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une école à charte? C'est typiquement américain, ce sont des écoles qui fonctionnent sur fonds privés, sur fonds, pardon, publics, mais avec une gestion privée. Résultat des courses, on a licencié un bon nombre d'enseignants de cette région de Louisiane, enfin des États-Unis. Ça se compte en milliers de profs. On se souvient aussi, dans le même esprit, le Sri Lanka, avec le tsunami, qui, pour le coup, a complètement détruit des villages de pêcheurs et les cabanes des pêcheurs, des gens qui vivaient effectivement de leur pêche. Et je crois que c'est un des ministres, peut-être celui de l'économie du Sri Lankais, ne s'est réjoui complètement de cette opération, puisque ça lui permettait de créer des hôtels de luxe avec piscine pour les bourgeois du monde entier. La jet set, s'il le faut, pourrait être accueillie sur cet endroit-là. Voilà. On pourrait encore ajouter des exemples, mais je finis avec le dernier, parce que j'ai parlé de démocratie il y a une seconde. C'est peut-être le plus beau. On parle souvent, dans ce que je viens de faire d'ailleurs, on parle souvent de catastrophes naturelles dont on profite. Eh bien, il y a des catastrophes complètement humaines, si j'ose dire comme ça. La guerre, c'est pratique. La guerre que les États-Unis ont menée en Irak, avec deux objectifs clairement exposés comme ça, installer la démocratie chez Saddam Hussein et, accessoirement, prendre les puits de pétrole pour Exxon et Texaco. Donc voilà ce genre de choses. C'est ça l'esprit de cette que décrit Naomi Klein dans son ouvrage, dans son bouquin. Alors, ce qu'on va se poser comme question, c'est y a-t-il stratégie ou non? Voilà la question. Bon. Première chose, on peut se poser la question de ce qu'est une stratégie. Une stratégie, on va dire que c'est une construction d'esprit, de l'esprit, raisonnée avec un objectif et qui, dont on prévoit le déroulement dans le temps avec des étapes précises. Voilà, à peu près, ça te va, ça, Quentin, comme explication ? Ouais, tout à fait. Mais dans ces cas-là, on pourrait prendre comme parallèle le fait que c'est pas forcément une stratégie construite parce qu'ils n'ont pas pu anticiper une catastrophe. Voilà. Quoique pour le cas de la guerre en Irak, ça fait partie d'une stratégie complète. Mais en fait, je sais pas si c'est une bonne façon de l'appeler, mais c'est un peu le plan d'urgence de personnes qui ont des idées pour aller plus loin. C'est-à-dire, il y a une catastrophe, il faut faire quelque chose. Là où tout le monde va avoir le réflexe d'un réflexe sanitaire, de soins, d'aller sauver des gens, eux, ils ont le réflexe de dire « c'est une super opportunité pour qu'on fasse notre business ». C'est ça ? Voilà. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, ce n'est pas vraiment une stratégie au sens où tu l'entends. Mais les événements dont je viens de parler montrent qu'il s'agit plutôt d'opportunités, comme tu le dis, saisies au bon moment. Et ce moment-là, c'est une crise réelle ou supposée, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Seule la crise permet de véritables changements, nous dit Naomi Klein. Et quand cette crise survient, explique-t-elle, les mesures qui sont prises dépendent des idées qui traînent dans l'air. Elle se réfère fort à propos à Milton Friedman, démocrate bien connu, ami de Pinochet, qui dit ceci. C'est, je crois, notre principale fonction à nous penseurs, ça c'est moi qui le dis, développer des alternatives existantes, les garder en vie et à disposition jusqu'à ce que, et c'est ça qui est important, le politiquement impossible devienne politiquement inévitable. Eh bien, chez nous, on appelle ça l'état d'urgence. On a un bel exemple en France. Quand je disais crise réelle ou supposée, décrétée en raison des attentats de novembre 2015. Politiquement impossible dans le pays des droits de l'homme, créer un état d'urgence en dehors d'une véritable guerre, ça n'est pas une, on ne fait pas la guerre aux terroristes, hein. On les chasse, hein, on essaie de les trouver. Mais puisqu'on dit qu'on est en guerre contre le terrorisme, voyons, on va dire que c'est possible, et c'est même devenu à ce point politiquement inévitable que le successeur de Hollande a introduit l'état d'urgence dans la Constitution. Voilà l'idée, si tu veux, si vous voulez, qui explique que c'est quand même quelque part un bout de stratégie. Alors, la question que nous nous posons ici, c'est et nous en France, est-ce qu'on est dans le cas de la stratégie du choc ? De quelle nature sont les idées qui sont en l'air, par exemple ? Bien. Si c'est une crise au sens de Naomi Klein, quelles sont les idées qui traînent dans l'air ? Les idées de ceux qui ont la main, surtout, généralement, sont ceux qui sont proches du pouvoir ou qui sont au pouvoir. Parmi les idées qui traînent, il y a évidemment, dans tous les cas de figure, celle du MEDEF. Le président Geoffroy Roux de Bézieux a fait une série de propositions assez claires pour l'après-coronavirus, par exemple, même le pendant d'ailleurs. Sur le temps de travail, sur le travail du dimanche, sur les congés payés ou encore la flexibilité inévitable. Une perspective à terme pour le monde d'après. Voilà comment on peut poser ce que dit Geoffroy de Roux de Bézieux, j'arrive pas à prononcer son nom facilement. Il dit ceci, tôt ou tard, il faudra se poser la question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter le travail en travaillant un peu plus et faciliter plutôt la création de croissance. Voilà, de la création de croissance supplémentaire, bien entendu. Tout est dans tout, et bon, ce n'est pas franchement des idées neuves pour le MEDEF, n'ont jamais pu digérer les 35 heures. Le gouvernement n'est pas en reste. Au secours du MEDEF, il y a Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Elle autorise le travail du dimanche dans les entreprises de la logistique afin de répondre en matière d'approvisionnement des magasins. Après avoir autorisé cet arrêté, le travail dominical, le gouvernement a également réfléchi à une possible dérogation concernant les horaires de nuit. Voilà des choses qui changent un peu, des choses qui sont dans l'air forcément, dans les têtes de ces gens-là. Le gouvernement a permis aux employeurs d'imposer unilatéralement 6 jours de congés payés et 10 jours de RTT. Dans la réalité, était organisée l'élimination progressive des corps des inspecteurs des impôts. Ça, c'était bien dans l'air, avec maintenant un peu plus l'entrave de leur lieu de travail. Autrement dit, ça se traduit comme ça, de 8 à 15 jours pour préparer un dossier pour une entreprise, on lui autorise simplement 2 jours maintenant. Donc voilà, c'est une façon d'entraver le travail. On n'oublie pas la justice, alors là c'est le cadeau du ciel, avec Madame Belloubet, qui ne sait plus où donner de la trique en ce moment. Symbole vraiment sinistre de cette justice, cette ordonnance du 27 mars qui donne de plein droit la prolongation, qui autorise de plein droit la prolongation de la détention provisoire. C'est absolument inouï. Un avocat enfonce le clou, mais surtout le parquet qui l'enfonce, parce que ça s'applique. C'est la première fois, dit-il, depuis les lois des suspects de 1793, que l'on ordonne que des gens restent en prison sans l'intervention d'un juge, et j'allais dire a fortiori de son avocat. Voilà où on en est. Encore un mot sur notre justice. Un citoyen qui n'a pas présenté aux forces de l'ordre son attestation de déplacement dérogatoire, que j'espère on va oublier très vite, eh bien, cette personne qui n'a pas présenté son attestation 4 fois de suite, il est passible d'avoir commis un délit, il est passible de la comparution immédiate, il est passible de peine de prison. Voilà où nous en sommes aujourd'hui dans la France profonde. Bon, cela dit, qu'est-ce qui s'est passé en France depuis ? Il semblerait que notre président et son ministre mettent un peu de l'eau dans leur vin. Côté gestion, l'économie c'est plus mitigé. On va indemniser les plus grosses entreprises sans demander la contrepartie ou quasi. Ça, c'est habituel. On a vu avec la crise des subprimes. Je veux dire surtout que Macron est un peu revenu sur l'idée qu'il pourrait y avoir des corps de métiers ou des activités qui pourraient échapper à la loi du marché, par exemple. On a même parlé faire en sorte que certains domaines pourraient être complètement hors du marché, et on pense évidemment à l'hôpital. René va en dire un mot dans une seconde. Le maire, lui, il se dit prêt à nationaliser les entreprises. On ne lui demande même pas. C'est-à-dire si ça a changé. À part qu'on a demandé Luxfer quand même. Ça avait du sens de nationaliser cette boutique qui fait des bonbonnes d'oxygène pour la médecine. Non, on lui demandait de réquisitionner, ce qui n'a pas été fait vraiment. Ou pas dans les temps de toute façon. Bon, le maire ne veut pas aider les entreprises qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. Ça fait marrer Quentin. N'est-ce pas, Quentin ? Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, pour revenir un peu en avant sur ce que je disais sur Macron, c'est qu'on avait l'expression « le en même temps que nous fait découvrir ce quinquennat ». Je pense qu'en fait, on a en même temps les déclarations du président et sa politique, et il va falloir continuer de regarder des deux côtés pour être sûr de ne pas se tromper, parce qu'on va nous dire d'un côté qu'on va sanctuariser des choses, et puis quand on va regarder dans le détail, il faut vraiment être sûr de qu'est-ce qu'on est en train de sanctuariser et pourquoi on le sanctuarise, parce que probablement qu'il y a un grand écart entre les deux. On est dans le strabisme divergent, là. C'est ça. Et donc moi, je voulais parler du combat de Bruno Le Maire contre l'évasion fiscale, donc... qui a été surtout discuté dans une annonce le 23 avril. Bruno Le Maire était interviewé au matin pour parler des mesures de prêts aux entreprises, donc des prêts d'urgence accordés aux entreprises de toute taille en France pour leur permettre de passer la crise du coronavirus, donc en se servant de la capacité d'emprunt de l'État et de l'assurance des emprunts d'État pour que les entreprises ne soient pas en difficulté. Et il a annoncé qu'il allait y avoir une interdiction d'accès à ces prêts pour les entreprises qui avaient des filiales dans les paradis fiscaux. Le problème, c'est que la loi ayant été proposée le jour même a été retirée le jour même. On a bien senti le côté pétard mouillé. Et de plus, le cabinet du ministre continuait de dire que ça pouvait être une règle, c'est-à-dire que au lieu de passer par une loi, on aurait pu dire bah, la règle c'est que le prêt est accordé aux entreprises qui n'ont pas de fiel dans les paradis fiscaux et ne sera pas accordé à celles qui en ont. Le problème, c'est que je pense que le ministre a encore beaucoup de choses à apprendre sur le combat contre l'évasion fiscale. Et quand on fait des grandes annonces comme ça, malheureusement, il faut parfois aussi un peu de modestie. Par exemple, la liste française des paradis fiscaux contient 13 pays. Si je vous demande, les copains, de citer tous un pays, un paradis fiscal au hasard, allez-y. Le Luxembourg, par exemple. Luxembourg, par exemple. Christian, tu dirais, je pense que ton micro est coupé, Christian. Non, mais moi, je propose le Panama. Le Panama, Panama c'est bon. Eh, Panama est dans la liste. On en a quand même un. Luxembourg, on n'est pas dans la liste. Christian, on t'a toujours pas. Bon, le petit jeu, c'est que en fait, c'est pas les copains. C'est un peu comme ça que fonctionne le gouvernement français dans sa liste de paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'on a Aguila, les Bahamas, les Fidji, Guam, les îles Vierges américaines, les îles Vierges britanniques, Oman, Panama, Samoa américaine, Samoa, les Seychelles, Trinidad et Tobago et Vanuatu. On n'a pas entendu parler d'Irlande, on n'a pas entendu parler de Pays-Bas, on n'a pas entendu parler de Luxembourg, ni de Belgique. Et encore, on évite les paradis européens, c'est ça en gros. Voilà, et ni le Delaware, qui est un État américain qui est reconnu pour lui aussi être un paradis fiscal de référence. Donc c'est ça le problème, c'est-à-dire que si la liste est minimale et que c'est juste des pays qu'on n'apprécie pas, ben on ne combat pas réellement l'évasion fiscale. Et donc du coup, c'est déjà un mauvais départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour légiférer contre l'évasion fiscale ? Alors, ce serait très très long, je vais résumer simplement. Sur la page d'attaque, on parle de taxation unitaire, et ça c'est un système qui permet d'éviter les procédés d'optimisation fiscale que font les entreprises. Et ensuite, dans les marges de manœuvre du gouvernement, eh bien, dans un article de Marianne, qui a été publié une semaine après la déclaration du ministre le 30 avril, pardon, un article de Mathias Tepo, on étudie le sujet de Renault. Renault, grande entreprise du CAC 40 française, qui a pu profiter de 5 milliards d'euros de prêts d'aide et qui a des filiales dans les paradis fiscaux. Et on se demande, mais que peut faire l'État ? Ben, il s'avère que l'État est actionnaire de Renault à un niveau d'actionnariat qui lui permet d'être au conseil d'administration et d'avoir la parole dans les décisions internes de Renault. Donc, si l'État ne veut pas légiférer parce qu'il s'en rend incapable, suivant son idéologie libérale, d'un autre côté, en tant qu'actionnaire de l'entreprise, il est capable d'agir contre l'évasion fiscale de Renault. Bon, voilà, c'était le petit exemple et... quelques éléments clés pour notre ministre s'il veut combattre l'évasion fiscale, qui n'hésite pas. Je pense que l'Attaque nationale a beaucoup, beaucoup de conseils à donner. Oui, on l'attend volontiers, ça je suis sûr que... Et puis le CCFD, et puis pas seulement d'ailleurs, sont prêts à aider le gouvernement. On n'arrête pas d'ailleurs de leur côté, Attaque, CCFD, Terre solidaire et Oxfam, d'envoyer des documents tout à fait précieux qui explique un peu ça. Bon, je vois que le temps qui nous reste imparti est vraiment très très faible. Est-ce que René, tu peux nous parler de l'hôpital ultra rapidement pour nous dire ce qui va devenir ? Oui, eh bien rapidement, on va essayer. Eh bien, vous savez tous où nous ont mené les différentes réformes entreprises en France depuis 1982, donc je n'en parlerai pas plus. On sait que en 2019, d'ailleurs, les personnels hospitaliers ont tiré la sonnette d'alarme par une série de manifestations tout au long de l'année. Et depuis que la crise sanitaire a déferlé sur le pays, eh bien Emmanuel Macron nous a dit à plusieurs reprises qu'il veillerait à défendre désormais l'État-providence, une conversion surprenante de sa part, n'est-ce pas ? Alors vous êtes peut-être dit que cette pandémie soudaine, face à laquelle le pays s'est trouvé bien dépourvu, comme nous l'a montré Ludovic, l'a amené à infléchir ses positions et que désormais des mesures significatives seront prises pour réhabiliter l'hôpital public. Eh bien, il n'en est rien. À sa demande, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque des territoires travaillent à un plan pour l'hôpital public qui va totalement à rebours de ses déclarations. Au lieu de défendre l'intérêt général, il vise à accélérer la marchandisation de la santé et sa privatisation rampante. Alors, la philosophie générale du plan, eh bien, de nombreux experts, médecins, sociologues, économistes, portent sur cette note un regard similaire. S'ils révèlent ici ou là quelques avancées, ils constatent... pardon. Il constate que ce document ne tire aucun enseignement de la crise sanitaire historique que nous traversons et cherche au contraire à poursuivre et même à accélérer les processus de privatisation rampante et de marchandisation de la santé. On peut noter la nécessité de faire de plus de place au privé, une croyance forte dans l'innovation numérique, la responsabilisation et l'individualisation face aux risques. Les quatre points généraux de cette note, donc, conduisent à accélérer la casse de l'hôpital public. Ce document n'est pas seulement la marque d'une volonté d'étendre l'emprise du privé au sein d'hôpital public, il traduit la conception technophile, néolibérale et paternaliste qu'une grande partie des acteurs administratifs et des responsables politiques ont de la santé. Ok, René, merci. On va devoir s'arrêter là. Et d'accord. Un peu de musique. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romère, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures. Pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui tient? Je me demande bien. Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se déconfiner, faut être immunisé. Pour être immunisé, faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et ben y'avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un à base de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe. Mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation. J'avais une mode de burn à coûter tant de pognon. Inflation. Oh mais Macron a dit chauffe personne, il faut rester chez vous. Quitte à devenir fou, on doit rester unis pour sauver la nation et l'hôpital public et la pigmentation de la barbe d'Edouard Philippe. Tu veux voir le JT? Waouh, la chouette idée! Je te laisse 10 minutes max pour finir l'Xanax. Le pays est en guerre, on ferme toutes les frontières, déficit, récession, des chômeurs par million. On est en plein cauchemar, mais place du Panthéon, on a vu des canards, si c'est-il pas mignon. Et en plus, c'est bon, proti. Alors à ce qui paraît, faut tenir jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce temps offert? On a déjà tué le chat, ligoté les enfants, dénoncé le voisin qui va voir ses parents dans un EHPAD pourri du côté de Charenton, vivement que ce soit fini, qu'on se confine en prison pour de bon. Oh mais Macron a dit hey, l'ancien monde c'est fini. Débloquons des crédits pour les plus démunis en septembre prochain. S'il continue comme ça, on le verra avec un joint à la fête de l'UMA. À 20h, il faut se mettre à gueuler à la fenêtre pour soutenir les soignants en galère d'équipement. C'est les mêmes l'an passé qui se faisaient tabasser par la marée chaussée pour avoir du budget. Maintenant, c'est des héros. Moi, je leur tire mon chapeau si avec tout ça, ils tiennent pas un peu schizophrènes. Pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne. Donc, c'était « T'as voulu voir le salon long » de Lego Guette. Et donc, on passe à la suite. On passe à la suite complètement. Mon micro est ouvert, c'est très bien. Oui, on a reçu un texte de notre camarade Didier Delinotte. C'est un texte qui va être lu. qui va être lu à quatre voix d'ailleurs. Et c'est un texte qui s'appelle Corona World. Comprenez par là que c'est un tour du monde du Corona. Et c'est moi qui démarre, puisqu'on est à plusieurs voix. Alors, il m'a fait parler de l'anglais, lui. Around the world in one way. Voilà. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, comme disait déjà Blaise Pascal. La triste histoire du coronavirus et des traitements nationaux qui lui ont été réservés illustre parfaitement l'adage. Vérité au-delà de l'Atlantique, devrait-on dire plutôt, a commencé par l'uburois brésilien, j'ai nommé Jair Bolsonaro. Comme il y a des climato-sceptiques, il existe des coronasceptiques, et Bolsonaro semble tout désigner pour en devenir une sorte de chef de file, sinon de gourou. Pour sa triste majesté des tropiques, ce n'est pas un minuscule virus qui va nous empêcher de faire du fric en continuant à exploiter les ressources naturelles de la forêt amazonienne, même si à Manaus, ville nouvelle construite au cœur de l'Amazonie, on enterre les morts par centaines dans des fosses communes. Il a liquidé son ministre de la Santé, Luis Enrique Mandetta, pour des différences de vues sur la pandémie. Le ministre irresponsable et vraisemblablement inconscient des gens économiques défendant la distanciation et le confinement. Il manquerait que ça. Le naïf. Mais même les militaires en poste dans son gouvernement lui reprochent amèrement son approche pour le moins cavalière de la pandémie. Quant aux mouvements sociaux, ils sont déchaînés et voient dans l'incurie de Bolsonaro une occasion historique de s'en débarrasser, il y a loin de la coupe aux lèvres. Quentin ? Après Bolsonaro, on a Donald Trump, celui qui, pour ne pas être médecin, n'en est pas loin intelligent. Il a dit smart. Le virus craint la lumière, il craint les antiseptiques et les milieux trop sains, et hop, la solution, se mettre à porter des rayons lumineux incandescents et absorber goulûment des produits détergents. Certains l'ont fait au péril de leur vie. Molière avait son diaphoirus. Comment qualifier Trump ? Alors que la ville de New York affiche des records de mortalité, 170 000 personnes atteintes et des milliers de morts, des pauvres, rassurons-nous. Si on osait une moralité, quand on vote pour des cons, le désastre ne se fait pas attendre. Il y a aussi des pays où le coronavirus ne fait pas trembler des dirigeants inflexibles. Au Nicaragua, par exemple, où Daniel Ortega fait la politique de l'autruche, organisant fiestas et manifestations sans aucune précaution. Il y a aussi le Chili, où le président Piñera a décrété enfin l'état de catastrophe après les premiers décès, lui qui s'inquiétait avant tout du business as usual. Le bon élève pourrait bien être le Venezuela de Maduro, avec des mesures prophylactiques très adoptés. Mais ceux qui le disent sont vite taxés de manque d'objectivité et de parti pris crypto-communiste. En Europe de l'Est, les dictateurs au pouvoir en profitent pour serrer les boulons. Orban en Hongrie se sont poussés des ailes et les pays voisins, Pologne, Slovaquie, Serbie, République tchèque, où on a même pu assister à un détournement de masques, s'en donnent à cœur joie contre un virus largement confondu avec l'ennemi, intérieur, avançant, masqué, sous couvert de démocratie. Dans les pays nordiques, c'est prophylaxie maximum et tolérance zéro pour le virus, sauf pour la Suède qui a voulu tenter l'expérience de l'immunité collective, avec un succès mitigé. Mais on aurait tort de ne pas faire un détour dans l'Angleterre du grand Big Dummy Johnson, Dummy pour imbécile, jobard, débile et autres qualificatifs péjoratifs. Il aussi a voulu jouer l'immunité collective jusqu'à en être lui-même condamné. En sortant de l'hôpital, il a congratulé les médecins et le personnel infirmier, mais chassé le naturel. On pense à un chroniqueur ultralibéral de France Inter, un dénommé Jean-Marc Sylvestre, les anciens s'en souviennent, et chantait les vertus de l'hôpital et du service public après sa guérison, reprend son antienne libérale quelques jours plus tard. C'est en fait la fable éternelle de la grenouille et du scorpion, quand le second pique la première alors qu'il en a besoin pour traverser la rivière. Ça ne sert évidemment pas à ses intérêts, mais c'est dans son caractère, plus fort que lui. La situation en France a été suffisamment évoquée pour qu'on n'y revienne pas, comme pour l'Italie et l'Espagne, pays martyrs, qui, comme nous, entament un déconfinement prudent. En fait, doit-on dire déconfiné ou déconfit ? On passera aussi rapidement sur la Chine, où tout a commencé. Si tout le monde savait ce qu'était qu'une chauve-souris, beaucoup ont découvert l'existence du pangolin, sympathique mammifère à écailles, présentant l'inconvénient d'être moyennement comestible. La Corée et plusieurs pays du sud-ouest asiatique ont été intraitables. Masques, gel, tests et tracking de masse pour endiguer le fléau au pays des libertés individuelles, au prix des libertés individuelles. Mais c'est encore le Vietnam héroïque qui s'en tire le mieux, avec officiellement zéro décès et très peu de cas, grâce à un dispositif rigoureux et quasiment militaire qui fait du virus l'ennemi. Il est vrai qu'en matière de guerre, le pays avait de l'expérience. On passe à la suite avec l'agenda d'attaque. C'est pas terminé ? Ah oui, mais on n'a plus le temps. Ah bon, d'accord. Ah bon ? Bon. oui, donc les activités d'attaque. Eh bien, au plan national d'abord. Alors, Amazon, une bonne nouvelle. La lutte paye. Le 24 avril, la Cour d'appel de Versailles a confirmé la décision du tribunal de Nanterre ordonnant à Amazon de restreindre l'activité de ses entrepôts aux produits essentiels sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée. Attac et les Amis de la Terre se sont beaucoup mobilisés pour soutenir l'action des syndicats, notamment par plusieurs campagnes de mails et de tweets à l'attention de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, demandant la fermeture des sites Amazon pour mise en danger de la vie d'autrui. Confiné mais pas résigné, le 1er mai en images. Créativité, colère, espoir, détermination, etc. Pour le 1er mai, avec 25 organisations qui portent la pétition « Plus jamais ça, signons pour le jour d'après », Attac a proposé une mobilisation pour soutenir les travailleurs et les travailleuses en première ligne. Pour cette action, des centaines de photos ont été envoyées des quatre coins de France, mais des courriels ont également été adressés à la ministre du Travail et d'autres types de manifestations ont été organisées spontanément. Inégalité sociale et crise sanitaire. Entretien avec Zoé Rollin et Anne Marchand. Donc cet entretien avec Zoé Rollin et Anne Marchand, suite à la soirée sur les inégalités sociales de santé qui s'est tenue le 9 avril, une vidéo a été réalisée et diffusée en direct ce même jour. Anne Marchand est docteur en histoire et en sociologie. Zoé Rollin est docteur en sociologie et maîtresse de conférences à l'Université de Paris. Elles coordonnent toutes les deux le GISCOP 93, groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis. L'épidémie de coronavirus se propage sur toute la planète, mais les populations les plus touchées sont souvent les plus pauvres. Les favelas brésiliennes, les populations afro-américaines aux États-Unis ou encore la Seine-Saint-Denis en France. Interpellez votre député pour que le Parlement adopte des mesures de justice fiscale. Cette action a été lancée le 4 mai 2020. Une troisième loi de finances rectificative devrait être votée au mois de mai. Nous demandons aux députés et aux députées d'adopter six mesures de justice fiscale qui permettraient de dégager, selon nos estimations, au moins 128 milliards d'euros par an. L'outil d'interpellation est disponible sur le site d'Attac France. Dialogue global pour un changement systématique. Nous vivons une crise mondiale sans précédent qui exige une réflexion, une remise en question et un dialogue approfondi entre les militants, les organisations et les mouvements sociaux du monde entier. Des stratégies critiques sont essentielles pour faire face aux crises actuelles et pour définir les prochaines étapes. L'objectif du dialogue mondial pour le changement systémique est de soutenir ce processus en créant des liens plus forts entre les groupes militants et les mouvements sociaux et en rassemblant un plus grand nombre d'activistes et d'organisations d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et du Nord et de l'Europe. Au sein de cette initiative, un espace militant francophone a vu le jour qui rassemble des personnes et des groupes des Amériques et des Caraïbes, d'Europe, du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Ce réseau organise tous les lundis des webinaires en français avec des militants issus des mouvements sociaux de ces pays et régions. Au-delà des impacts de la crise sanitaire, il s'agit de partager les résistances et les luttes en rupture radicale avec les politiques menées jusqu'ici pour un monde plus juste, écologique et social, d'entraide et de coopération au nord comme au sud. Le dernier webinaire, doit-on annuler les dettes publiques pour épargner les peuples ? C'est tenu lundi 11 mai et le prochain, ce sera lundi 18 mai. Ok René, Peut-être Florent, quelques mots pour terminer. Oui, donc je vais vous parler des rassemblements qui ont eu lieu donc, lundi dernier, jour du déconfinement, donc des rassemblements dans plusieurs grandes villes sur l'appel « Refusons le retour à la normale », qui ont été aussi soutenus par le collectif Balai Masque, hein, des soignants. À Lille, donc, il y a lieu à 14h à la place de la République, hein, ce rassemblement avec une cinquantaine de personnes, dont des gilets jaunes. On a vu des pancartes avec des messages et des discussions par petits groupes pour respecter la limite des 10 des rassemblements de 10 personnes, pas plus de 10 personnes. Et donc, suite à ça, on a décidé de se rassembler tous les lundis. Donc, mais cette fois-ci, pas place de la République, mais donc lundi 18, rendez-vous au Belvédère, hein, donc de la Friche Saint-Sauveur, qui est en face de la maison Stéphane Essel, au bout de la rue Cambrai, pour continuer à discuter et peut-être planifier des actions pour... refuser le retour à la normale. Et voilà pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci aux auditeurs d'avoir écouté cette émission qui a été faite à Sbarak, comme on dit à Radio Campus. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end. Nous vous souhaitons un bon week-end, d'ailleurs. Bon week-end à tous. À bientôt. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer en la luz de un rojo amanecer. Anuncian ya la vida que vendrá, de pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido